Bonjour tout le monde. Content d'être parmi vous. J'ai pas eu l'opportunité de visiter cette île. Je n'ai entendu que des bonnes choses. Jusqu'à maintenant, on est censé me faire un petit tour cet après-midi avant de retourner. Je suis pasteur Daniel Saint-Amour. Je suis natif de l'Abitibi, région minière. C'est à l'autre bout. Été mineur pendant 7-8 ans, avant d'entrer dans le ministère à plein temps. Je suis pasteur depuis 27 ans, depuis 15 ans, pasteur de l'Église Vie d'Espoir à Montréal-Est, marié, deux beaux enfants, deux beaux petits-fils. Voilà, je n'avais pas les photos, vous aviez dit comme moi. Et membre fondateur de l'ACF, l'Association chrétienne pour la francophonie, qui a débuté officiellement, voilà, 4 ans. Et le pasteur Claude Houde et le pasteur Marc Lecomte, puis tout le comité de l'ACF vous dit un gros bonjour. On m'a demandé de vous saluer. On est heureux et content. Je suis heureux ce matin d'être parmi vous. Lorsqu'on m'a demandé de venir vous voir, le plus loin que j'avais été, moi, c'est Bécomo. Voilà 20 ans. On m'avait demandé de venir visiter la ville de Bécomo, l'église là-bas, pour devenir pasteur là-bas. Et pour toutes sortes de raisons, c'est pas ce qui s'est produit. Et lorsque j'ai regardé sur la map où était cette île, par rapport à Bécomo, je me suis dit, ils sont encore plus proches de l'Europe. Alors, on va faire un petit bout. Moi, mon épouse est italienne, vient d'Italie. Enfin, je me suis dit, on s'approche un petit peu. Et ce matin, je voudrais vous adresser la parole sur quelque chose de simple, mais qui, je crois, est nécessaire d'être entendu et compris, c'est vers l'avant. Vous savez, je crois que Dieu prépare des temps et des événements dans la vie de chaque individu, de famille, de communauté, où il veut apporter, il veut amener vers un pas vers en avant. Ça a été comme ça pour notre salut. À l'âge de 16 ans, lorsque j'ai accepté Christ dans ma vie, après, chez nous, j'ai été le premier à connaître l'Évangile, à accepter Christ dans ma vie. On n'avait pas du tout ce contact évangélique autour de nous. Et je me souviens, à l'âge de 16 ans, 3 heures du matin, sur la rue, j'avais des petits problèmes de gambling, puis d'argent, puis ainsi de suite, et je m'en venais. Et je me suis arrêté devant une vitrine dans un magasin, tout bonnement, je me suis mis à pleurer, tout seul sur la rue, à dire, Dieu, si tu existes, fais quelque chose pour moi. Et Dieu a pris contact avec moi au travers d'événements dans les mois qui ont suivi. J'ai entendu son évangile, et je crois honnêtement et sincèrement que dans ma vie, c'est toujours là, Dieu a comme fermé un livre pour en ouvrir un autre. C'est comme si Dieu marquait fin à une histoire pour se mettre à écrire une autre histoire. La parole de Dieu nous dit que dès le ventre de notre mère, Dieu a écrit dans son livre tous les jours qui nous étaient destinés. Et je crois qu'il y a des moments, il y a des états, il y a des saisons dans la vie d'individu, dans la vie de foyer, dans la vie de communauté, où il y a une histoire que Dieu veut se mettre à écrire. Quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Et Dieu nous appelle et nous invite à regarder vers l'avant. Malheureusement, trop souvent, notre avenir est basé sur un passé. Je voudrais lire avec vous un texte dans Philippiens 3, verset 12, si vous avez vos Bibles. Sinon, ça va apparaître sur le mur arrière. Il est dit dans ce texte, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, c'est Paul qui parle. » Aux Philippiens, il dit, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et m'emportant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est un texte que la majorité d'entre nous on a lu. Et lorsque moi je le lisais, il y a des choses générales que je comprenais, mais ce matin je voudrais voir avec vous trois points particuliers de ce texte-là pour être capable d'aller vers l'avant. Parce que je crois pas qu'on peut aller vers l'avant n'importe comment. Je ne crois pas qu'un chrétien, qu'un homme, qu'une femme, qu'un couple, qu'une communauté, qu'une église puisse aller vers l'avant n'importe comment. Je crois qu'il y a une manière d'avancer. Il y a une manière de fonctionner. Il y a une manière d'être. Et ce texte nous montre comment ça fonctionne. Premièrement, ce texte me parle et nous amène à oubliant vers ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière. La première chose à faire, et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, trop souvent, nos avenirs, nos vies de couple, nos vies d'église, nos vies chrétiennes, nos vies d'hommes, de femmes, de jeunes hommes, de jeunes femmes, sont basés sur un passé, non vers un avenir. C'est comme si on avançait dans la vie en regardant en arrière. On ne voit pas ce qui va se produire en avant, on ne voit pas les bénédictions arriver, on ne voit pas les choses que l'on doit surveiller en avant de nous, parce qu'on est toujours en train de regarder en arrière. Et le texte ici me demande d'être quelqu'un qui oublie de ce qui est en arrière. Vous allez me dire, oui, mais il y a des choses dans ma vie, il y a des choses qui ne s'oublient pas. Moi, et c'est vrai, vous savez, il y a des situations dans nos vies que l'on peut avoir vécues, que des gens qu'on peut avoir vécues avec des gens autour de nous, qu'on n'oublie pas. Et c'est vrai. Vous savez, quand mon père est décédé, ma mère m'a dit, Daniel, ça fait tellement mal d'être tout seul. Tellement mal. C'est une douleur pour moi. Puis j'ai dit, c'est mal, tu l'oublieras jamais. Mais, ça, la douleur peut arrêter. Les moments difficiles que tu vas vivre sont des moments qui peuvent te jeter par terre ou te relever pour être meilleur. C'est ce que Jacques nous enseigne concernant l'épreuve. Il y a des choses dans nos vies, il y a des situations dans nos vies qui sont du passé où Dieu dit, tu ne pourras pas les oublier, parce que les oublier, ça serait de nous dénaturer. Ça serait d'enlever une partie de nous-mêmes. Puis on est ce qu'on est. Dieu désire nous bâtir avec le passé, mais en fonction d'un avenir. Nous, tout ce qu'on dit bien souvent, trop souvent ce qui nous intéresse, c'est tout simplement de régler le passé. Mais de le régler de manière à ce que ce passé-là soit plus là. C'est pas possible, ça. Paul, dans ses écrits, nous parle régulièrement, écrit régulièrement ce qu'il était dans le passé. La manière qu'il agissait, ce qu'il faisait, il ne ramène pas ça avec douleur. Il ramène ça pour montrer la grâce de Dieu sur sa vie. Et je crois que notre passé peut être le thermomètre, peut être on a chanté tout à l'heure qu'on voulait briller, mais notre passé peut nous amener à briller. Voici ce que j'étais, et voici ce que Dieu fait. Trop souvent, on veut plus être ce qu'on était, puis on oublie d'être ce que Dieu veut être. Dans la parole de Dieu, les textes nous montrent que Dieu désire qu'on laisse le passé pour se tourner vers un avenir. Que ce soit en tant qu'individu, que ce soit en tant que couple, que ce soit en tant que église, communauté, on a besoin de saisir que Dieu veut prendre le passé et en faire un peu comme une fronde pour l'avenir. Et Dieu nous invite, et vous savez, chaque individu, moi je crois que chaque chrétien, chaque homme, chaque femme, chaque couple a besoin de saisir la grâce de Dieu pour régler les choses du passé. Que ce soit un cœur brisé, que ce soit un âme abattue, que ce soit une dimension de notre vie particulière, qu'on a vécu en tant que chrétien, qu'on a vécu en tant qu'épouse, époux, femme, mari, jeune homme, jeune fille, on a besoin de saisir la grâce de Dieu pour oublier. Le mot « oublier » ici ne veut pas dire « ne plus se rappeler », mais s'en rappeler comme une force dans notre vie. s'en rappeler comme une capacité de dire, Seigneur, voici ce que tu as fait avec moi. Dieu, je te rends grâce, pas de ce que j'ai vécu, parce qu'il y a des choses qui sont désobligeantes, qu'on a accomplies ou qu'on a subies. Mais Seigneur, de ça, tu as fait de moi ton enfant, tu as fait de moi un homme, une femme qui peut aller et regarder vers l'avenir. Parce que ça, c'est un privilège. Il y a des gens, ils se dépensent 70 millions par année au Québec, les dernières statistiques que j'ai lues, pour les besoins de l'âme au Québec. Ça, c'est à part de toutes les autres choses, médicaments et ainsi de suite, qui sont pris pour essayer de régler des problèmes intérieurs. Et nous, les enfants de Dieu, puis j'ai rien contre ça, mais nous, les enfants de Dieu, on a ce privilège de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu et de dire, Seigneur, touche ma vie, change-moi, règle les choses. Je connais un couple qui a vécu une difficulté profonde. Et lorsque l'Évangile est entré dans cette maison-là, la guérison est entrée et ce couple-là s'est mis à vivre le bonheur. Pas parce que le passé n'existait plus, mais parce que Dieu guérissait, transformait les cœurs et amenait les gens à être meilleurs. Parce que c'est ça le but de Dieu. Deuxièmement, le texte me parle, me portant vers ce qui est en avant. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. La parole de Dieu ici me montre que le but d'un individu, le but d'un chrétien, le but d'un groupe de chrétiens, c'est de regarder vers l'avant. De regarder vers ce que Dieu va faire, vers ce que Dieu veut nous amener. Ici, le texte me parle de motivation. Quand on parle d'oublier ce qui est en arrière, me porter vers ce qui est en avant, ça me parle de motivation. Ça me parle de pour quelle raison je vais vivre ma vie. Pour quelle raison je vais me tenir debout. Pour quelle raison je vais fonctionner dans la vie. Pour quelle raison ma vie, à quoi va servir ma vie. Il est possible pour le chrétien, il est possible pour l'enfant de Dieu d'oublier, de décrocher du passé pour se tourner vers l'avenir. Et le texte nous dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. C'est comme si ça prend les deux pour en faire une. Il dit pas je fais deux choses. Le texte ne mentionne pas je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et je fais une autre chose en allant vers l'avant. Le texte me dit, mais je fais une chose. Pour pouvoir aller vers l'avant, on a besoin de laisser l'arrière. On peut venir de familles différentes, on peut venir de coins différents, on peut venir on peut avoir une histoire religieuse différente, mais il est possible pour tous et chacun d'aller vers l'avant. Pour ça, faut laisser du passé. C'est comme si le verre est plein. Si tu veux mettre de l'avenir, faut que tu vides du passé. Si tu veux que ta famille, que ton couple, tes enfants, ton église aillent vers l'avant, il faut que tu vides du passé pour pouvoir y mettre de l'avenir. Tu pourras pas avoir les deux. On est fait l'être humain, ou bien on regarde en arrière, c'est vrai physiquement, ou bien on regarde en avant, mais c'est sûr qu'on ne peut pas mettre les yeux chacun à leur bord. On dirait que ces personnes-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, ou bien tu vas être quelqu'un qui va regarder vers l'arrière, puis qui va dire, ah, moi, dans le passé, c'était comme ça, puis avant, c'était comme ça, puis je me souviens que c'était comme ça, puis c'est comme ça que ça fonctionnait, c'est comme ça que mes parents, c'est comme ça que mes frères et sœurs, c'est comme ça que mes frères dans la chair, c'est comme ça que mes frères dans le Seigneur, c'est comme ça que c'était, c'est comme ça que ça fonctionnait, ou bien tu vas dire, j'ai oublié tout ça, Seigneur, puis je veux débuter une nouvelle histoire avec toi. Je veux que tu puisses écrire fin dans ma vie pour pouvoir débuter un nouveau livre, un nouveau moment avec toi, nouvelle saison, nouvelle manière d'être, nouvelle manière de fonctionner en tant qu'individu, en tant que chrétien, en tant que famille, en tant qu'Église. Seigneur, je veux quelque chose de nouveau sur ma vie. Dieu prend une vie et Dieu veut dire à chacun de nous, ta vie m'appartient. Ou on va continuer la même histoire, moi puis toi, ou bien on débute un nouveau chapitre. C'est un choix. C'est un choix. Vous savez, il y a des gens qui vivent continuellement dans le passé, continuellement dans le hier, continuellement dans l'avant. Moi, je dis, Seigneur, moi, je veux vivre le présent pour l'avenir. Moi, Seigneur Dieu, je veux vivre aujourd'hui pour demain. Pas aujourd'hui sur mon passé. Pas aujourd'hui sur le hier. Aujourd'hui sur demain. Lorsque j'ai débuté dans le ministère, j'ai pris une église où elle avait le premier signataire. Le premier signataire dans les registres, à ce temps-là, les églises, c'est nous qui gardions les registres de l'État civil. Et en 1948, moi j'ai pris cette église-là en 1985. Et tout ce que j'entendais, c'était « Avant, avant, avant, avant, avant. » Puis moi, avant, j'avais pas connu ça avant. J'étais pas là avant. Je vivais pas ça avant. C'était pas ça avant. Alors, à un moment donné, j'ai dit aux gens, regardez, oublions avant. Il va se passer quoi après? Parce que avant, c'est fait, c'est décidé, ça a été réglé. Maintenant, il se passe quoi après? On était une douzaine. Quand tout le monde était là, on était 12. Et je me souviens qu'une dame s'est levée debout pour dire « Ah, ça c'est pas la première fois qu'on entend ça. » Puis j'ai dit à cette dame-là, « Moi, je crois que Dieu n'est pas le Dieu du passé. Il est le Dieu d'un avenir. Dieu m'a pas sauvé pour me faire vivre mon passé. Il m'a sauvé pour me donner un avenir. Je crois que Dieu nous appelle en tant que chrétiens, en tant qu'hommes, en tant que femmes, à être des gens d'avenir. Mon regard n'est pas porté vers le passé, mais oubliant ce qui est en arrière. Seigneur, je veux pas que ça m'influence. Oui, ça a été vécu. Oui, ça a été fait. Oui, Seigneur Dieu, les choses dans ma vie personnelle, dans mon passé, dans ma famille passée, dans ce que je peux avoir vécu, ça a été là. Je le renie pas. Mais Seigneur Dieu, je veux oublier tout ça, ne plus vivre en fonction de ça, mais vivre en fonction de toute la bénédiction, de toute la grâce, de tout l'amour, de toute la passion que toi t'as pour moi. Parce que la réalité pour chacun de nous, c'est cela. Je regardais sur le site de la ville de Sept-Îles, lorsque je me préparais, puis je voulais voir un petit peu d'historique sur la ville, et ainsi de suite, bon, population, ainsi de suite, et je suis tombé sur les armoiries de la ville de Sept-Îles. Vous avez trois armoiries, OK? Je pense que c'est trois villages, trois coins de ville, en tout cas. Et il y en a deux que j'ai trouvé ça bien, puis qui va bien avec le sujet de ce matin. Premièrement, celle de Moïse. Comment? Moisi, excusez. L'armoirie veut dire, si tu veux réussir, vis le présent. Puis j'ai trouvé ça bien. Je me suis dit, à cette île, ils ont la bonne chose. Si tu veux réussir, vis le présent. Et la deuxième, pour Calix, aujourd'hui pour demain. Je ne sais pas les fondateurs, qui a écrit puis qui a pensé à tout ça, mais je les ai trouvés inspirés. Parce que c'est ça la réalité. Aujourd'hui pour demain. Trop de gens se lèvent aujourd'hui pour hier. Aujourd'hui, pour l'an passé. Aujourd'hui, pour un temps. Je me souviens, à un moment donné, j'étais dans l'église où on est présentement. Bon, c'est pas moi qui l'ai ouvert, ainsi de suite. Je l'ai pris à un moment particulier de l'église. Et Quelqu'un, à un moment donné, m'a dit, « Vous savez, pasteur, ça a toujours été de même. » Puis ça m'avait comme, vous savez, là, frappé, là. Je savais pas quoi répondre, moi, à ça. Et dans un temps de prière, Dieu m'a dit, pour moi-même, pour chez nous à l'Église, ça se peut que ça ait été toujours de même. Mais c'est pas obligé. C'est pas obligé. Tu peux choisir de le vivre et de le croire. De toujours attendre la prochaine. Ou bien, tu peux dire, je veux, Seigneur Dieu, avec toi, briser les choses, couper les cordes, arrêter les choses et repartir sur quelque chose de nouveau. Et lorsqu'on a saisi ça, on a compris que là, aujourd'hui, c'était pour demain. Que c'était pas pour hier. Que ce que les gens peuvent penser, ce que le monde peut dire autour de nous, ça n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est aujourd'hui pour demain. Parce que Dieu a des plans pour demain. Je vais vous dire, il n'y en a plus pour hier, Dieu, de plans. Il n'y en a plus de ça. Dieu, il est Dieu, il peut tout, mais des plans pour hier, il n'y en a plus. Ils sont hier. Dieu, aujourd'hui, veut mettre des plans, des manières, la manière d'agir, d'aller, de travailler dans nos vies personnelles, dans nos maisons, dans nos églises, en fonction de demain. Parce que c'est ça la clé. Travailler aujourd'hui pour bâtir demain. La troisième chose que le texte me parle, c'est de notre motivation. Pourquoi je veux oublier le passé et me tourner vers l'avenir. Beaucoup, certaines personnes veulent oublier leur passé, se tourner vers l'avenir pour être encore plus maître, fonctionner encore plus comme eux, ils veulent. Dieu n'est pas dans ce plan-là. Le plan de Dieu, notre motivation, c'est « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. » La vocation céleste de notre vie. La vocation céleste pour notre couple. La vocation céleste pour la communauté. C'est à ça que Dieu lui veut travailler avec nous. C'est à ça que Dieu désire accomplir. Beaucoup de gens peuvent penser que le fait d'avoir Christ dans notre vie, ça nous appauvrit. On est un petit peu plus niaiseux si on a Christ dans nos vies. On a un petit peu moins si on a Christ dans nos vies. Si nous, tu dis à quelqu'un au travail, « Moi, je suis chrétien, je vais à l'église, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? » « Ah, vendredi soir, mercredi soir, on était à prière, dimanche matin, on a eu une bonne réunion à l'église. » Je trouve ça niaiseux. Mais je vais vous dire, trop souvent, nous, on prend ça comme étant la réalité. C'est pas vrai. Je me souviens, lorsque j'étais en première année au collège biblique, je travaillais dans une compagnie où on faisait des cases pour les écoles et ainsi de suite. Et l'intérieur, c'est nous qui faisions tout l'intérieur des camions d'Hydro-Québec, les tablettes et ainsi de suite. Et mon patron me demandait toujours, c'était fait en fin de semaine, j'étais pasteur de jeunesse, et à la l'église le dimanche. On avait des activités le samedi avec les jeunes. Puis moi, je lui comptais toute ma fin de semaine, puis rien de moi. Et le monsieur avec qui je travaillais, un monsieur qui s'appelait Daniel, me posait toujours la même question, mais lui rajoutait toujours sa réponse à lui. Hey, « Moi, en fin de semaine, j'ai été dans tel club, j'ai fait telle affaire, j'ai été dans telle chose, puis ainsi de suite. » Puis, j'étais sûr qu'il mentait pas, il sentait ce qu'il avait vécu, littéralement. Et, mon travail a été comme du mois de mai, aller jusqu'au mois de septembre, j'ai quitté. Puis quand j'ai quitté, je leur ai dit, bon ben là, je m'en vais pour collège biblique encore, finir mes études, ainsi de suite. Et, ils m'ont ridiculisé sur une heure de dîner, ça restait comme ça. Des années plus tard, J'étais dans un ralliement à Montréal. J'étais assis dans l'église. Tout à coup, je vois passer un monsieur avec un trousseau de clés après sa ceinture. C'était mon Daniel qui passait, qui était maintenant concierge dans l'église, qui avait accepté Christ dans sa vie. Je me lève, je vais le voir, tu fais ici. Il dit, tu sais, quand on était parti, là, et je me suis retrouvé tout seul à faire le travail qu'on faisait toutes les deux ensemble. Là. J'ai compris que tu avais une vie que moi, j'avais pas. Fait que tout heureux, tout content, me compte un petit peu comment il a accepté Christ, et ainsi de suite. En sortant, il y a un monsieur à la porte qui donnait des invitations pour un autre événement. C'était mon patron. Qui lui était placé à l'église, à cette église-là, pour inviter les gens pour des activités futures. Qu'est-ce que vous faites ici? Mais il dit, tu sais, Daniel, après que tu es parti. Vous savez, c'est ça l'avenir. Pour chacun de nous. La motivation de la vocation céleste. Quand tu es au travail, quand tu es à l'école, quand tu es à faire l'épicerie, tu bâtis un avenir. Quand tu dis bonjour à quelqu'un, tu bâtis un avenir. Quand tu parles à quelqu'un autour de toi, quand ton voisin, tu lui adresses la parole, c'est un avenir que tu bâtis pour lui. Quand tu pries dans ton temps de prière tout seul, pour tes voisins, ta famille, tes proches, c'est la vocation céleste que tu es en train d'exercer. Parce que Dieu nous appelle à être une vocation céleste, à saisir la vocation de Dieu. Et je vais vous dire, pour pouvoir accomplir cette vocation-là, pour être capable de l'accomplir, on a besoin de saisir le plan de Dieu pour nous. La parole de Dieu nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Trop souvent, on pense que Dieu est comme un être, un vieux monsieur assis sur son trône avec un bâton, puis il attend juste de trouver le coupable, puis qui va frapper aujourd'hui. C'est loin de là. C'est loin de là. Dieu a des projets pour vous et pour moi. En tant qu'individu, famille, église, royaume de Dieu. On me disait cette fin de semaine que entre ici et le bout du Québec, il y a des villages qui n'ont rien. Et lorsque j'étais à l'hôtel ce matin, que je priais pour la réunion de ce matin, ma pensée se portait vers tous ces villages qui ce matin, même s'ils voulaient aller à l'église, même s'ils voulaient louer Dieu avec des frères et sœurs, il n'y a personne. Ils n'en ont pas d'endroit. Ils n'en ont pas de place pour louer et adorer Dieu. Moi, je crois au principe que ce que nous avons doit briller autour de nous. La vocation céleste, Dieu a des projets pour toi, pour ta maison, pour ta famille. Dieu a des projets pour toi en tant qu'individu, pour toi à ton travail. Dieu a des projets pour toi envers ta vie de tous les jours. Dieu a des projets pour toi à l'école. Dieu a des projets pour toi au travail. Dieu a des projets pour toi de bénédiction. Pas de malheur, mais de succès. Deuxièmement, notre vocation, le plan de Dieu pour la ville. On a besoin de saisir le plan de Dieu pour nous et le plan de Dieu pour la ville. Parce que ça fait partie de la vocation céleste. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je crois que le Québec a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent pour dire, Seigneur, je veux faire tout ce que je peux faire. Trop souvent, on pense, moi, je l'ai pas. C'est le pasteur qui l'a. C'est le conducteur de louange qui l'a. Moi, je suis pas capable, mais lui est capable. Elle est capable. Oh, elle, c'est pas vrai, ça. Dieu peut avec chacun de nous. Chez nous, à l'Église Vie d'Espoir, on a une dimension sociale qui est je vous dirais, très développé à toutes sortes de niveaux. Quand moi, avant même de prendre cette église-là, ma prière, c'était « Seigneur, l'église où je vais aller, et je savais que ce serait là, l'église où je vais aller, je désire qu'on puisse avoir une banque alimentaire et des déjeuners dans des écoles. » Quand on est arrivé là, c'était pas là. On a commencé à avoir une banque alimentaire de quelques familles. Je me souviens, l'équipe, les gens allaient chercher ça avec une petite Altima. Ils allaient chez Kraft, par exemple, chercher les petites boîtes de dîner Kraft. Pour en mettre plus, ils ouvraient les caisses, ouvraient les boîtes, puis mettaient les boîtes plus. Toutes comme ça, pour en mettre plus dans le véhicule. Et on a commencé au tout début avec ça. Avec le temps, les années, on s'est mis à avoir un impact. On peut rester surpris ce que Dieu peut faire avec un groupe d'hommes, de femmes qui se mettent à part. On a commencé à faire des déjeuners dans des écoles. On nous a appelés, une histoire courte, on nous a appelés. Il y avait une école, il y avait 50 enfants qui ne mangeaient pas. Les deux dernières semaines, il ne faut pas faire d'examen, et ainsi de suite. Alors, on a dit, OK, on y va. On a commencé avec une école. Comprenez bien, à ce moment-là, on était à peu près 80, 90 personnes dans l'église, incluant les enfants. On a commencé à faire les déjeuners dans cette école-là. La commission scolaire nous a dit, vous savez, on en a une deuxième. Oh, par la foi, on y va. On a pris une deuxième. On avait une banque alimentaire de 125 familles, plus ces deux écoles-là. On a commencé à prier, Seigneur, ça prend des sous, là. Il faut qu'il y ait des sous qui rentrent, parce que faut acheter la nourriture pour les déjeuners. Vous comprenez bien que le CDC était en arrière de nous pour voir est-ce qu'on donne pas... Ça prenait des déjeuners équilibrés. Vous savez tout ce que ça peut prendre. Ça prend le petit yogourt, ça prend le... Il va pas trop de sucre, pas trop de ci, pas trop de ça. Puis nous, on disait, Seigneur, c'est pas un problème pour nous autres, t'es capable de pourvoir. Un jour, on est en prière. On prie pour que Dieu fasse quelque chose. Un homme d'affaires frappe à la porte. Vient voir la directrice, puis dit, regardez, on trouve tellement que vous faites un bon travail. Puis nous, on n'avait rien demandé à personne. Là. Tellement vous faites un bon travail. On va vous donner un coup de main. On va organiser un souper aux morts, bénéfice pour vous. Nous, on s'est dit, ils vont faire un petit souper, ils vont nous faire un petit chèque de 1500$. Seigneur, la semaine prochaine, on va continuer à prier. Et on fait le souper, on s'est assis. À la fin de la soirée, ils nous ont fait un chèque de 30 000$. On dit, wow. On a été bénis. L'année d'ensuite, ils l'ont fait. Ils ont donné 35 000$. L'année d'ensuite, ils l'ont fait, nous ont donné 40 000. L'année d'ensuite, ils ont fait 45 000. Cette année, nous ont donné 50 000$ pour faire les déjeuners. On avait besoin d'un véhicule. On priait. Un concessionnaire automobile appelle, puis dit, « Pasteur Saint-Amour, enverriez-vous votre directrice, votre chauffeur à mon bureau? » Je dis, « Mme Jolie, allez-y avec le chauffeur. » Arrive là, il dit, « Regardez, qu'est-ce que vous auriez besoin comme véhicule? » Et là, elle m'avait demandé, si on va demander, j'ai dit, ça prend au moins 3/4 de tonne, ça prendrait une 15 places, ça prendrait pas mine, Allez. Elle dit, ouais. Puis il avait fait entrer une belle vanette dans le showroom. Puis il dit, ça ferait-tu votre bonheur? elle dit, regardez, elle dit, nous, là, elle dit, je connais pas ça, mais ça prendrait une 3/4 de tonne, une tonne. Puis il dit, OK. 15 jours plus tard, il nous appelle. Appelle la directrice, le chauffeur. Le journal était là. Puis ils nous ont remis les clés. La nette flamme en neuve. 15 places. Qu'on peut enlever pour. La raison pourquoi je vous raconte ça, c'est qu'on pense des fois, nous, on est tout petits. On n'est pas capable. On n'aura pas. C'est vrai qu'on n'est pas capable puis qu'on n'aura pas. Mais pour celui qui saisit la vocation céleste, ce n'est plus sa capacité, ce n'est plus ce que lui a. C'est tout ce qui est dans le ciel qui est avec lui. C'est tout ce qui le tient, ce qui est avec lui. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire avec des hommes, des femmes qui disent, Seigneur, j'ai oublié ce qui est en arrière. Je vais me porter vers ce qui est en avant. Puis ma motivation, Seigneur, c'est la vocation céleste. Pour ma vie, ma maison, mon travail, mon église et ma communauté. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Pour pouvoir arriver à ça, on a besoin d'une chose. Ne pas être un écho, mais une voix. On essaie de faire ce qu'on a vu. On essaie de faire ce qu'on a appris. On essaie de faire comme d'autres ailleurs font. On essaie d'être un, sans s'en rendre compte, un écho de ce qu'on a entendu parler, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu. On veut être comme telle autre église, on veut être comme telle autre chose, on veut être comme telle autre affaire. On est un écho contre le passé. Avant c'était de même, puis ça sera plus jamais de même, puis ça sera plus comme ça, puis c'était fait de même, puis ça sera pas de même, puis, et ainsi de suite. Faut refuser d'être un écho. Vous êtes pas obligé d'être un écho de vos parents, de la vie que vos parents ont eue. Pas obligé d'être un écho de ce que vous avez vu dans le passé, vous pouvez être une voix de ce que Dieu a pour vous. Voici ce que Dieu veut pour moi et ma maison. Voici ce que Dieu veut pour moi, mon Église. Voici ce que Dieu veut pour moi, mon Église, ma communauté. Je veux être une voix. Je veux être quelqu'un qui oublie ce qui est en arrière, qui me porte vers ce qui est en avant, qui saisit la vocation céleste et qui dit, Dieu, je veux entendre de toi, puis je veux agir, Seigneur. Je veux aller de l'avant. Je veux être capable. Moi, je dis, Seigneur, que nos églises, que nos communautés entendent ta voix au travers de ton Église, par une main tendue, par un geste qui se porte. Il y a possibilité dans les communautés d'avoir des églises qui sont portées bien haut par la communauté. Pas qui sont vues comme ridiculisant le royaume de Dieu. Pas ridiculisant par ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils... Mais Seigneur, par étant des églises honorables, qui se tiennent debout pour le royaume de Dieu sans compromis, mais qui avancent disant, mon Dieu, on veut être une voix. La voix du ciel. Seigneur, je veux être la voix de celui qui, comment je dirais donc, la voix, je veux être ta voix vis-à-vis les gens qui m'entourent. Seigneur, je veux avoir une parole pour les gens qui m'entourent. Je veux être quelqu'un de bénédiction pour les gens qui m'entourent. Seigneur, je veux pas être un écho du passé. Un écho d'ailleurs. Moi, je crois que la ville de cette île, les environs de cette île, toute la côte nord, a besoin d'entendre la voix de Dieu. Pas un écho. Pas un écho qui vient d'ailleurs, mais une voix qui vient du ciel. Et deuxièmement, et dernièrement, je termine avec ça, être une voix de la ville devant Dieu. On prie pour être la voix de Dieu dans la communauté, mais on a besoin d'être la voix devant Dieu pour la communauté. On a besoin d'être des hommes et des femmes qui jeûnent, qui prient, qui prennent des temps de prière, puis qui intercèdent. Que vos réunions les plus courues soient les mercredis soirs de prière. Que vous vous teniez ensemble en tant qu'individu, en tant que famille, moi et mon épouse, on a pris l'habitude de prier ensemble le soir. On s'est établi un temps. Et on veut être une voix pour notre famille. Je veux être, moi puis mon épouse, on veut être une voix pour nos enfants qui se tient devant Dieu. Puis qui parle à Dieu de nos filles, notre gendre, nos petits-fils. On veut être une voix pour, cette semaine, on priait ensemble et on veut être une voix pour le Québec. On prie pour les ouvriers du Québec. On se tient dans la présence de Dieu et on dit, Seigneur, on veut être une voix devant toi pour eux. Dieu se cherche des hommes et des femmes qui non seulement entendent de lui pour agir, mais entendent la douleur de la ville pour se tenir devant Dieu. Qui arrêtent de se centrer sur moi, sur nous-mêmes, sur mes petits besoins, sur à moi pour s'arrêter et dire, Seigneur, je veux que tu déposes en moi, Seigneur Dieu, ce fardeau, ton poids à toi pour la ville. Seigneur, je veux pouvoir entendre. Je veux pouvoir me tenir. Lorsque j'étais à Rouyn-Noranda, l'église était au centre-ville. Et à 3 heures du matin, les bars fermaient. Et des étudiants, ils venaient sur le bord de l'église, puis tous les matins, on trouvait des bouteilles de bière sur le bord de l'église, certaines brisées, ainsi de suite. Puis, ils se stationnaient dans le stationnement d'église. Et, pour une raison quelconque, presque tous les soirs, en ce moment-là, on vivait à l'arrière de l'église. Je me réveillais, je m'en allais, puis je priais pour les gens. Je priais pour tous ceux. Au lieu de dire, oh, ils sont encore en train de jeter des bouteilles de bière, ils sont encore en train de faire, je disais, Seigneur, faut que tu les sauves. Faut que tu les amènes plus loin. Faut que tu les touches. Dieu se cherche un homme, une femme, un groupe d'hommes, de femmes, qui vont dire, Seigneur, je veux me tenir à la brèche, entre la ville, l'ennemi, entre la ville, puis le ciel, Seigneur Dieu, puis je veux être un lien entre les deux. Je veux pas mettre le poing devant eux, je veux mettre la main sur l'épaule de la communauté, ma main dans la tienne, puis dire, Seigneur, je veux te présenter ma communauté. Je veux me tenir pour toi. Je veux me tenir pour toi envers eux, mais Seigneur, je veux me tenir pour eux devant toi. Parce que c'est ça la vocation céleste. La vocation céleste pour vous et pour moi, c'est de se tenir à la brèche pour le royaume. Vous savez, des fois, et vous avez dans votre communauté, comme la majorité des régions, comme l'Abitibi présentement, comme je vous ai dit, moi je viens de là, ma famille, ils sont toutes une famille de mineurs. Ils travaillent tous dans les mines. Et bien souvent, les salaires sont plus élevés, il y a toute une dimension. Je regardais là, de l'autre côté, les motoneiges à vendre, et ainsi de suite. Puis les gens s'achètent toutes sortes de biens. Puis on pense que parce que nos gouvernements déclarent que l'économie va bien, puis que tout va bien, dans la ville. C'est faux. Il y a des gens ce matin qui se lèvent dans la souffrance profonde à cause de violence, à cause de boissons, à cause de drogue. Il y a des enfants, des jeunes filles, des jeunes garçons qui se lèvent dans la douleur ce matin. Durant que nous, on loue et on adore Dieu, qu'on entend sa parole, il y a des dizaines de personnes ici, des milliers de personnes dans cette île qui vivent des difficultés. Puis qui ont besoin d'un homme, d'une femme qui se tienne à la brèche pour eux. Puis ça, c'est votre responsabilité. C'est à vous, ça. La plus belle preuve que vous avez, vous êtes réunis tous les dimanches dans un endroit communautaire. S'il n'y avait pas de besoin, là, ça n'existerait pas, ça, ici. Je rends gloire à Dieu que vous soyez ici. Parce que ça met toujours un témoignage à vos yeux qu'il y a des besoins dans votre ville. Puis même s'il y a toutes sortes d'organismes qui peuvent répondre à toutes sortes de besoins, il y a seulement l'Église de Jésus-Christ qui peut répondre aux besoins des cœurs. Réellement. Avec une touche venant du ciel. Je voudrais terminer ce matin en vous disant que on entend parler beaucoup de vous aux nouvelles. La Côte-Nord comme étant un endroit avec le plan Nord, et ainsi de suite. On dit que dans les prochaines années, 10 000 personnes vont s'ajouter dans votre région. Ils vont venir partout dans le monde. Parmi eux, il y aura des enfants de Dieu qui viennent d'ailleurs, qui se chercheront une église qui a saisi la vocation céleste. Et ma prière, c'est qu'il vous trouve. Et il y aura des hommes et des femmes qui viendront ici, croyant, venir faire un coup d'argent, remettre leurs finances à l'endroit, Mais le plan de Dieu pour leur vie sera qu'ils viennent trouver la richesse éternelle. Et j'espère qu'ils vous trouveront aussi. Parce que c'est ça à quoi on est appelé. C'est ça la vocation céleste. C'est ça le royaume de Dieu. S'il y a une chose dans mon cœur qui brûle, ou des fois certains me trouvent un petit peu fatiguant, c'est qu'il y aura un temps pour se réjouir ensemble pour le royaume de Dieu, pour l'éternité. Mais en attendant, il y a des milliers de personnes qui attendent la touche de Dieu dans leur vie, au travers de chacun de nous. J'aimerais qu'on puisse se lever debout, ce que c'est possible d'avoir Jésus. Est-ce qu'on peut pencher nos têtes, juste un instant? Fermer nos yeux. Puis juste laisser un instant l'Esprit de Dieu, juste Dieu nous parler. La parole était prêchée ce matin. Personne ne regarde. C'est devant Dieu qu'on se tient ce matin. Chose pour pouvoir regarder en avant. C'est d'être capable de laisser aller le passé. Alors, par contre, les têtes sont penchées, les yeux sont fermés. Qui ici veut lever la main pour dire, moi, Seigneur, aujourd'hui, je veux prendre la décision d'oublier le passé. Je peux avoir vécu. Je lève la main. Seigneur, le passé que je peux avoir vécu, voilà longtemps, ou le passé, Seigneur Dieu, qui a été vécu hier, dans les mois qui ont passé. Mais aujourd'hui, Seigneur Dieu, je vais oublier. Je veux me porter, Seigneur Dieu, vers ce qui est en avant, mais je veux premièrement, je veux faire une chose. Oublier ce qui est en arrière. Seigneur, matin, je vais te le laisser. Répandez, laissez votre main pour un instant. Deuxième main, ce matin, il veut dire, Seigneur, je ne veux pas juste laisser aller le passé, mais je veux me tourner vers un avenir avec toi. Pour ma vie personnelle, ma maison, Seigneur Dieu, mon Église, pour ma communauté. Je veux, Seigneur Dieu, me tourner vers un avenir. Je puis, Seigneur Dieu, de ma bouche dire, c'était comme ça, Alain. C'était comme ça, Alain. Je veux, Seigneur, dire, ça sera comme ça dans la vie. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Voici ce que je voudrais qu'on fasse maintenant. On a du temps. Quelques instants encore. Tous ceux qui veulent s'avancer ici en avant. Pas devant un homme. Mais s'avancer ici en avant et dire Dieu, je veux faire ce pas ce matin. Non seulement je veux le dire de ma bouche, je veux le penser dans mon âme, mais Seigneur, je veux m'avancer en disant Seigneur, je fais un pas vers en avant aujourd'hui. Oubliant ce qui est en arrière, Seigneur. Je veux me porter vers ce qui est en arrière.